Mesdames et messieurs, Jules à la basse. Est-ce que la vie laisse des traces? Est-ce que la vie laisse des traces? chante, la morte nous attend. Ça chante la morte. Je dis que ça chante la morte. Cette putain de mort nous attend tous au tournant. Yeah. Merci. Et pour